Là-bas, si j'y suis avec Daniel Mermet. Salut, c'est Daniel Mermet avec Zoé Varier. Là-bas, si j'y suis, quelques Indes. Flight number 2, arriving from New C'est pour mieux de perdre mon enfant. Allumons le bâtonnet de santal. Aspirons bien la fumée et regardons. Inde. Si on dit Inde, qu'est-ce qu'on voit? On voit un S, comme le cobra du snake charmeur, le charmeur de serpent, qui fait un S. L'Inde, d'abord, c'est les Indes, un tas d'Indes. Au cours des millénaires, d'Alexandre le Grand jusqu'à mon beau-frère, à chacun son Inde. Aucun pays, aucune civilisation dans l'histoire du monde que je connais comme ma poche n'a engendré autant d'imaginaires, n'a autant fasciné. Incalculables les rêves et les cauchemars que la Mother India, la mère Inde, a mis au monde. C'est pour mieux te perdre, mon enfant. Inde, galante, Inde, galeuse, exaltante ou répugnante. Cadavre, squelettique, sur les trottoirs, la foultitude féroce, boueuse, pourrissement d'égouts, de moussons, de gaz d'échappement, de fleurs pourries, de pisse et de jets de salive sanglants. Chacun sa merde, en attendant la prochaine réincarnation, la prochaine galère à ramer sur cette putain de terre. Il y a cette Inde-là. Il y a aussi l'Inde pure et radieuse, l'Inde fraîche, nature, Himalaya, ou jardin fleuri comme dans les miniatures. Il y a l'Inde, dernier sanctuaire de la sérénité, les ashrams, où vous pouvez vous faire des super cures amaigrissantes. L'Inde mystique, l'Inde de la sagesse, du détachement et tout ça, et tout ça, et tout ça, et toutes ces divinités compliquées, coloriées, comme des baraques foraines. Des milliers, des millions de divinités, et aussi, il y a l'islam. Les musulmans, les hindous et les musulmans qui se foutent sur la gueule depuis presque la nuit des temps. Il y a aussi l'Inde du Kamasutra, du temple de Khajuraho et des Devadasi. Vous savez ce que c'est? Un genre de geisha, mais en plus sexy, plus bandante encore. On les retrouve quelques soirs sur Falkland Street à Bombay, cloaque immonde, des putes derrière des barreaux, ruelles puantes, sari clinquant, sida rampant. Inde, avec un S. Profusion, foison, prodigue, Inde. Et encore, nous les Français, on connaît guère des fêtes cuisantes de nos comptoirs coloniaux. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a plus d'images et qu'on se fait plus de cinéma. Inde, des nababs et des maharajas, des palanquins de cristal en haut des éléphants, des trains en or massif et des tigres du Rajasthan couverts de diamants. Inde du trip Inde. Inde de The Good Vibration. L'œil rouge, éclaté, dans une piole étouffante, sans fenêtre, avec des colonies de cafards et des hallucinations, des fleurs, des rats, des vautours qui bouffent des morts. Ah, Inde aussi. Des Indiens qui rotent, qui chient partout et mangent avec les doigts d'après les déçus de nouvelles frontières. Inde des vaches sacrées qui feraient mieux de bouffer. Inde des babas, nostalgie, des frics en route. Pour la terre promise, Katmandur, aujourd'hui. Inde des hippies de Goa. Inde du gourou dans la Rolls des Beatles. Inde de Ghislaine, aujourd'hui mamie, avec son gilet fleuri petit miroir et les pétards en Ardèche avec le disque de Ravi Shankar et son raga du soir. Chacun son Inde. Inde de la peste et du choléra, de Bhopal, du nucléaire et de Mère Teresa et de ce crétin de Dominique Lapierre. Il y a aussi l'Inde de Mowgli, du Livre de la Jungle et des Feux de Bengale et du grand Satyajit Ray. Il y a l'Inde de l'Empire britannique. 3 siècles de colonisation, Red Monkey. Inde des comptoirs, Pondichéry, Chandernagore et la chanson qui en parlait. Inde dont on dit, mais attention, c'est un pays moderne, ils disposent de l'arme nucléaire, ils fabriquent leurs propres avions, tout eux-mêmes ils font en Inde. Et faut pas oublier le secteur de pointe, la recherche, la haute technologie, loin d'être arriéré. L'Inde, et quand on dit ça à l'autre bout de la table, il y en a toujours un qui ajoute, oui, mais il y a le système des castes, les intouchables, les mariages arrangés, l'esclavage des enfants, le trafic d'organes. Nous, on a préféré la Guadeloupe. Inde, du charter pas cher, sitar, soleil, sari et tourista. Et puis, l'Inde du Gandhi, Mahatma Gandhi, apôtre de la non-violence, alors que l'Inde est un pays d'une extrême violence. On peut continuer. Il y a votre Inde aussi, à vous, vos images, votre imaginaire, vos fascinations. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Inde, et sans doute, y en a-t-il encore plus que ça. L'Inde, on en attend tout, et en même temps, on ne sait pas quoi en attendre. L'Inde impressionne le voyageur. L'Inde, c'est le gros morceau. C'est la grande polyphonie, la grande cacophonie, la grande palette, la grande fresque avec toutes les couleurs, des plus sublimes aux plus dégueulasses. Tous les parfums du pourrissement aux plus frais des jasmins du matin. En fait, en Inde, plus qu'ailleurs, on espère la réponse à notre très secret, très ancien, très enfantin besoin de croire qu'il y a quelque part encore dans ce monde un sanctuaire pour la sagesse, un pays où le sacré règne harmonieusement sur les âmes et les cœurs des hommes. Mais aussi, l'Inde fait partie de ces pays où les hommes souffrent et ça nous attire parce que cette souffrance nous rassure. Ces martyrs nous confirment que ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui ont imaginé des valeurs, des idées différentes, doivent le payer d'autant plus cher qu'ils ébranlent plus profondément nos certitudes. L'Inde est une exaltation et une panique. Sauf, peut-être, si l'on accepte de passer à côté, de se paumer, de ne pas en revenir entier, de rapporter beaucoup plus de questions qu'on en avait apporté. Bref, d'accepter de se laisser dérouter, se laisser dérailler, de n'espérer rien rapporter, seulement rencontrer peut-être quelques Indes. Dulariya, dulariya, dulariya gaate saban bonga sagunti le sangin desam, sangin pira. Sangin desam, sangin pira. Jotto dulringirwa ko, jotto dulringirwa ko. Sabn bonga sangun pili, perej giyan. Na mere na ya baba jata karaji akan ningire na ya baba jata karaji akan na langanua sigil din re gaate na langanua sigil din re taban bonga sagunteli kairaj giya duladiya sangin de sam sangin de sangin de sam aap kya udhar silampur mein tha à Delhi parce qu'on commence par Delhi par New Delhi il y a un panneau lumineux qui indique le nombre d'enfants qui naissent à la minute en Inde. 50 enfants naissent à la minute en Inde. C'est-à-dire qu'à la fin de cette émission, vous pouvez calculer le nombre, quelques milliers de nouveaux petits Indiens arpenteront ce continent, ce sous-continent qui se vit et que nous percevons comme une planète à part. L'Inde, c'est un pays à part. 950 millions d'habitants en Inde. À peu près 950 millions, ça change tout le temps, vous l'avez compris. Dans augmentation annuelle de la population, 2%. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2010-2020, l'Inde, qui est actuellement le deuxième pays en nombre d'habitants derrière la Chine, devrait devenir le pays le plus peuplé du monde. Et remarquez, regardez dans votre journal aujourd'hui, le mois dernier, les 6 mois derniers, quelles nouvelles avons-nous de ce pays ? On a parlé d'un oubli de l'Inde. C'est une sorte de planète oubliée, même si depuis quelques années, mettons depuis les années 90, 91, en fait, l'Inde change en surface, évidemment, s'ouvre à l'économie mondiale, s'ouvre aux investisseurs et il y a des changements qui se produisent en Inde et c'est ces changements qu'on va essayer de raconter, d'observer, de voir en quoi est-ce que ce pays change. On est arrivé à New Delhi et alors 950 millions d'Indiens et nous et vous. Eh bien, on arrive et pas un seul Indien. Pas un seul Indien. 3h du matin, on prend un taxi. Ces voitures extraordinaires qui s'appellent les ambassadeurs, qui sont fabriquées en Inde. Tout est fabriqué en Inde par les Indiens. Et nous voilà dans New Delhi. Non pas dans Old Delhi, non pas dans Delhi, mais dans New Delhi. C'est-à-dire le Delhi des Britanniques, le Delhi des ambassades, le Delhi du gouvernement. Aujourd'hui, Delhi, c'est la capitale de l'Inde dans l'Uttar Pradesh. L'Uttar Pradesh, c'est l'État le plus peuplé de l'Inde. Il y a 140 millions d'habitants dans cet État où nous trouvons. Mais pour l'instant, il n'y en a absolument aucun dans les très larges avenues que nous traversons de nuit dans ce taxi. C'est à peine si on entreapercevra 3-4 vaches, histoire vraiment de nous faire plaisir. En arpentant ce quartier de New Delhi, on mesure ce qu'a été l'empire des Indes, la certitude pour les Britanniques d'être là à tout jamais. Ils y sont restés en tout 3 siècles et en 1947, les Britanniques sont partis, l'Inde est devenue indépendante. Alors c'est cette ville qu'on va découvrir, on va partir dans notre voiture le lendemain, après une nuit de repos, après des petits déjeuners disputés par des chiens et des corbeaux, C'est charmant pour l'instant, sauf quand on saura ce que sont et ce que font les chiens en Inde par la suite, sauf quand on saura ce que font et ce que sont les corbeaux en Inde par la suite. Pour l'instant, on part tout de suite vers Old Delhi. Nous sommes au milieu de la ville maintenant. Cet endroit, ça s'appelle Chandni Chowk. Ça, c'est le Vieux Delhi. Ça, c'est Vieux Delhi. C'est la rue qui est 4 km en longueur, qui était fondée pendant le 17e siècle. Mm. À ce temps-là, cet endroit était l'un des plus grandes villes de la monde, selon le témoignage des Français de cette période. Et c'était un endroit où vous avez plusieurs bijoutières et les magasins de tapis et des choses comme ça, toutes ces choses qu'on peut penser. Et tout de suite, les gens sont autour de nous. Qu'est-ce que vous pensez en nous regardant? Vous pensez qu'on est qui? Je pense qu'il y a un programme de télévision. Parlez-moi un peu de votre pays. Comment est votre ville? Est-ce que vous voulez décrire votre ville à des Français? Notre pays est grand. Il n'y a pas un autre pays dans le monde qui est comme l'Inde. Nulle part dans le monde on trouve la vie comme en Inde, les nourritures, les vêtements et tout ça. La vie est la meilleure en Inde. Il n'y a aucun problème ici. Enfin, vous n'allez quand même pas me faire croire qu'il n'y a aucun problème dans votre pays. Il n'y a pas de problème, même s'il y a des problèmes, nous les résoudons avec de l'amitié et de l'amour. Belle parole, sage parole, hélas, bien souvent démentie par l'actualité. Delhi, c'est la capitale de l'Inde, ce fut la capitale de l'Empire des Indes, au temps des Anglais, au temps des Britanniques. Mais ça a été auparavant, avant les Anglais, ça a été la capitale de l'Empire Moghol, c'est-à-dire qui a régné sur une grande partie de l'Inde pendant quasiment 2 siècles. L'islam est venu en Inde dès le 7e siècle. Et Delhi est plus une ville, Old Delhi où nous sommes, plus une ville musulmane qu'une ville hindoue. On sait qu'il y a un conflit très ancien, presque depuis le début, entre l'islam et l'hindouisme. On sait, c'est une des rares nouvelles qui est venue jusqu'à nous, comment en décembre 92, il y a eu l'affaire de la mosquée d'Ayodhya. Dans cette ville, les nationalistes fondamentalistes hindous, considérant que la mosquée était construite sur un temple sacré pour les hindous, ont démoli cette mosquée avec les autorités côté le gouvernement et la police qui regardaient un peu ailleurs. Et cet événement très grave marque le conflit entre les deux communautés, la montée du nationalisme hindou qui préoccupe beaucoup les observateurs et qui s'est manifesté dans les dernières, qui s'est matérialisé dans les dernières très récentes élections en Inde. Donc Delhi, c'est la ville qui, ancienne capitale britannique, ancienne capitale de l'Empire moghol et en grande partie une ville musulmane. Là, voilà une carte postale derrière nous. Là, il y a une vache qui arrive, hein, qui est dans la rue quand même. Ça fait partie de la vie sociale aussi. Qui, chaque fois qu'il y a un festival religieux, etc., souvent, il faut donner la nourriture aux vaches. Ça fait partie des rituels sacrés. C'est à cause de ça, vous verrez. Même soit si c'est un rituel de mort, soit un rituel de naissance, la vache est toujours associée dans les traditions brahmaniques avec les rituels. C'est à cause de ça, vous les verrez toujours. Là, je vois deux femmes, regarde là-bas, deux femmes en noir. Dans le pouce-pouce. Là, ce sont des musulmanes. Là-bas, tu vois. Oui, sûrement. Mais ce quartier, c'est plutôt un quartier hindou. Ça s'appelle Chandni Chowk. L'autre côté, il y a plusieurs quartiers musulmans. Et il y a plusieurs quartiers mélangés. Ils sont divisés selon les rues. Avant, c'était les divisions étaient selon les professions et occupations des gens. Par exemple, vous avez le quartier des chaussures, les gens qui fabriquaient les chaussures. Vous avez les rues où habitaient les tisserands. Maintenant, les noms continuent comme ça, mais les quartiers sont assez mélangés. Ils sont mélangés. Hello. Ça, c'est quoi? C'est le lait? C'est le lait. Ça, c'est un laitier? Oui, il est un laitier. C'est ça. Alors, il appartient à quoi? À quelle caste? Il y a deux, trois castes principales de laitiers. Il y a les castes Gujar, il y a les castes Ahir. Ce sont les moyennes castes. On l'appelle les moyennes castes. Ce sont un peu bas que les agricultures, mais sont assez importants. Mais parce qu'il y a une relation spirituelle aussi avec la caste, parce que le Krishna appartenait aux castes des laitiers, le Dieu Krishna. C'est à cause de ça que les laitiers ont une position assez élevée dans le système des castes de l'Inde. Et aussi parce que la vache, c'est sacré. Donc les choses autour de laitière sont aussi sacrées. On ne peut pas faire quelques pas en Inde, à Delhi, sans tout de suite rencontrer le surnaturel. En Inde, le surnaturel est naturel. Et en même temps, rencontrer ce problème, cet aspect de la société indienne qui nous semble absolument choquant avec nos valeurs occidentales, qui est le système des castes. Alors évidemment qu'on va revenir là-dessus, sur ce système des intouchables, sur le système des basses castes qui actuellement sont en train de faire évoluer le pays, en tout cas qui pose un problème, en tout cas qui agite la vie sociale dans ce pays. On va évidemment parler de tout ça. Pour l'instant, avec nos copains, avec notre ami Yogesh, on découvre, on se balade, on ouvre les yeux, on fait un peu comme les Indiens, on ressemble aux Indiens qui sont des gloutons optiques. On regarde et on essaye de choper quelques images. On voit ici, au vieux Delhi, il y a tant de magasins de vêtements et choses traditionnelles. Par rapport à ça, au nouveau Delhi, vous ne verrez pas autant. Vous verrez les magasins tout à fait modernes. Ici, vous voyez, il y a des robes de mariage partout, traditionnelles. Il y a les autres vêtements indiens traditionnels. Mais ça appartient à la vie normale traditionnelle de l'Inde. Réponds à ma curiosité. Dis-moi pourquoi les femmes ont un rond rouge ici sur le front entre les deux yeux. Pourquoi on porte aussi les femmes portent un bijou sur la narine? C'est oui. Quel sens ça? La première, surtout, ils mettent le point rouge. Point rouge et puis aussi mettent la même chose. Sur les cheveux, dans la raie des cheveux, dans sur le crâne des cheveux. C'est parce que ça a un symbolique qu'ils sont déjà mariés. Et c'est le sang de la famille de l'autre qui est impliqué ici. Ah, ah. So, donc, ça aussi indique qu'une femme comme ça, c'est sacré. C'est-à-dire, elle est mariée, il faut donner le respect. Et puis, ça indique aussi qu'elle est alliée avec une autre famille. C'est un rituel seulement. Le bijou sur le nez, ça ne symbolise pas grand-chose. C'est seulement, ça symbolise que seulement quand les filles sont devenues femmes, à partir de l'âge de 13-14 ans, c'est la première fois, la puberté, c'est lié avec la puberté, c'est piercé. Le nez. Les oreilles sont faites avant, mais les nez sont normalement faits après la puberté, autour de la puberté. Si vous sentez la pression permanente de la foule, cette énergie, cette vitalité extraordinaire qu'on rencontre déjà ici dans ces quartiers de Old Delhi et qu'on trouvera beaucoup plus forte encore à Benares ou à Calcutta. On arrive alors que c'est la fin du Ramadan, c'est juste le jour de la fin du Ramadan. Et demain, c'est l'Aïd. Les chants qu'on entend, c'est des chants d'enfants dans le quartier de Nizamuddin, c'est-à-dire autour du Dargah de Nizamuddin, où on va aller se balader, parce que l'islam en Inde est un islam très colorié, soufi, qui a des aspects très de mélange, qui s'est mélangé très souvent avec l'hindouisme, c'est-à-dire que ça a déteint, les uns sur les autres ont déteint, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les arguments évidemment nationalistes et anti-musulmans sont aussi douteux qu'ailleurs. Enfin, à chaque fois qu'on veut on veut purifier, on veut utiliser l'histoire pour se donner raison à des fins évidemment politiques. Là, on est dans la rue Naïsarak, c'est-à-dire vers le quartier musulman, et on se demande quelles sont évidemment actuellement les tensions entre les deux communautés. Cette rue, ça s'appelle Naïsarak, c'est-à-dire la nouvelle rue. À partir d'ici, vous avez le quartier musulman, plutôt le quartier du mosquée. Alors, comment se passe la cohabitation? On sait bien qu'il y a des conflits, ouais. Mais au niveau des quartiers ici, est-ce qu'il y a des tensions? Il y a des tensions, bien sûr, de temps en temps, mais la contre-tendance est plus forte, c'est-à-dire que dans tous les quartiers, vous avez les deux communautés qui se vivent ensemble. Et normalement, il n'y a pas de problème entre les deux communautés. Seulement, quelquefois. Seulement quelquefois. Alors, en 92, par exemple, quand il y a eu l'histoire d'Ayodhya, ouais. Est-ce qu'il y a eu des tensions ici à Delhi, dans les quartiers? Pas en Delhi. En Delhi, ce n'était pas si fort, parce qu'il y a trop de présence des gouvernements, c'est-à-dire des polices, etc. Et les dirigeants essayent de les contrôler. C'est très visible. Donc, c'est aussi facile à contrôler. mais les autres villes de Uttar Pradesh, etc., des autres provinces du nord et à Bombay, etc., on a eu beaucoup de problèmes. Il y avait des émeutes. Actuellement, sur ce problème-là, en quelques mots, on va en reparler, mais sur ce problème-là, quelle est la tendance? Est-ce que la crise persiste? Vous avez des élections, là, récemment. So, maintenant, on voit quand il y a un nouveau mouvement pour libérer une autre mosquée, les gens ne sont pas pour cette libération, les gens hindous. Ils l'opposent, ils ne l'acceptent pas. Parce qu'ils pensent qu'il y a tant de problèmes qui se viennent, c'est-à-dire le commerce, ça tombe. Il y a beaucoup de crises dans la société normale. C'est précipité seulement par une petite section des gens. C'est ça. C'est-à-dire qu'entre les extrémistes et les tolérants, ce serait plutôt la tolérance qui l'emporterait pour l'instant, d'après toi. Oui, la tolérance était déjà rentrée. Dans deux ou trois mois après ça. Et même dans les partis extrémistes, même avec les hindous et les musulmans extrémistes, il y avait le mouvement de tolérance des deux côtés. Et une grande partie des gens dans les partis extrémistes ont persuadé les autres d'accepter la tolérance et de ne pas exciter cette tendance des émeutes et des problèmes religieux. C'est tendu là, hein? Qu'est-ce que je fais? Là, il y a des embouteillages. Et voilà les laitiers à nouveau. Alors, état de tension entre les communautés, hélas, les élections, les résultats des élections, on donne un peu tort à notre très tolérant ami. Yogesh, vous savez que le Shiv Sena, vous le savez sans doute pas d'ailleurs, le Shiv Sena qui est un parti très très extrémiste en Inde, a été élu, a gagné les élections dans le Maharashtra, c'est-à-dire dans l'état dont Bombay est la capitale. On reviendra sur cette histoire parce que le leader de ce très puissant parti, Bal Thackeray, est un type qui aime se comparer à Hitler et qui déclare à qui veut l'entendre, et nombreux sont ceux qui veulent l'entendre, puisqu'il a été élu, que les musulmans dans l'état du Maharashtra sont tout à fait comparables aux juifs du temps de l'Allemagne et nazis, et qu'ils leur réservent le même sort. Alors voilà pour un aspect de la vie politique de cette démocratie, la plus grande démocratie du monde et qui fonctionne tant bien que mal, mais plutôt bien depuis 1947. Et en même temps, on apprend que dans d'autres parties de l'Inde, c'est des partis de gauche qui l'emportent. C'est un sous-continent, c'est un continent l'Inde. Il faut se dire que c'est un peu comme si parler de l'Inde, ce serait arriver à parler à la fois de Copenhague et de Lisbonne. Ce serait arriver à parler d'un pays qui n'existe pas, qui existera peut-être un jour et qui s'appellera l'Europe. L'Inde a déjà, et depuis pas mal de temps, les problèmes, au moins depuis 1947, les problèmes qu'auront les Européens quand ils seront des Européens. Et en même temps, l'Inde affronte des problèmes que nous croyons avoir déjà affrontés dans notre histoire, des défis que nous croyons avoir résolus. Et on continue la balade. Ça c'est superbe, hein, dans cette boutique, tout est rouge et doré, c'est très rangé, c'est des rouges, une symphonie de rouge absolument magnifique dans les tissus. Yes, aliyan sabo, ladies, parpadiani, marriage purpose ke kaam mein aati. Ces saris sont pour le mariage traditionnel. Ek sari nikal ke laiye. Il a demandé d'apporter une sari. Voilà. Ah oui, alors c'est des tissus magnifiques, dorés, avec des miroirs et des... Mais est-ce que c'est une tradition familiale de faire le commerce des saris? Oui, c'est une tradition familiale, c'est un commerce familial. Et on est dans ce commerce pendant 60 ans. Est-ce que ça veut dire que vous appartenez à une caste particulière pour vendre les textiles, pour vendre les saris? Nous sommes les hindous, on dit pas, je ne dis pas que j'appartiens appartient à un caste, je suis hindou. Pour vous, ça veut dire que pour vous, la notion de caste n'existe pas. D'après moi, ça n'existe pas. Quelle relation vous avez avec les musulmans? On est comme des frères. D'après votre âge, j'ai l'impression que vous avez connu le temps des Anglais, le temps des Britanniques. Comment c'était? J'ai 85 ans. J'ai vu à l'époque anglaise. À cette époque-là, on était des esclaves des Anglais, on était des colonisés. Mais aujourd'hui, on est libre, c'est beaucoup plus mieux maintenant que d'antan. Qu'est-ce que vous espérez maintenant encore? बात ये है अब तो हम यही आशा रखते हैं कि हम जल्दी से जल्दी चले जाएं j'espère que je meurs क्योंकि अब हमको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है बहुत आराम है je n'ai aucun souci सब कुछ है हमारे पास j'ai tout donc je veux mourir bientôt ah oui tranquillement बिल्कुल ठीक Tranquillement, tout à fait tranquillement. Sans regret. Oui, pas de chat à venir. Sans aucun regret. C'est-à-dire que vous considérez que vous avez fait votre devoir dans la vie. Oui. C'est quoi faire son devoir? बस तो आप तो ईश्वर का भजन करते हैं हम और कुछ करना नहीं चाहते हमारे बच्चे सब कुछ करते हैं हमें कोई करने की जरूरत नहीं है Oui, ce sont mes enfants qui font le travail, ben je prie à Dieu. हम पूजा पाठ सुबह करते हैं दो घंटे Je prie pendant 2 heures dans le matin. Je me lève à 6 heures. Je me lave, je me baigne et puis je prie. À 10 heures, je prends mon petit déjeuner. और उसके बाद में फिर बाजार दुकान आ जाते हैं après ça je viens au magasin हम को 8 बजे के करीब दुकान बंद हो जाता है 7 बजे अपने घर चले जाते हैं वहां जाकर के थोड़ा हाथ मुंह धोते हैं स्नान करते हैं फिर पूजा पाठ करते हैं 1 घंटे तक après être rentré chez moi après 8 heures du soir je me lave et puis je prie pour 2 heures vous allez mourir où अपने घर पर अपने परिवार में Chez moi, avec mes familles. Et après, विश्वास है, दूसरा जन्म होता है, अच्छा कर्म हम करेंगे तो हमको मनुष्य योनि मिलेगा। अगर कर्म हमारा अच्छा नहीं होता है, तो हो सकता है किसी दूसरी योनि में मिल जाए। Si je fais de bonnes choses, je vais renaître homme. Mais si je fais de mauvaises choses, peut-être je vais naître comme quelque chose d'autre. Mais quel homme vous pouvez renaître? Ye isme kuch nahi hai ye to hum apne karmon ke upar chhodte hain hum jaisa karm karte hain usi maafik humko phal milega Je n'ai aucune opinion sur ça je crois que ça va dépendre de ce que j'ai fait dans ma vie Mais est-ce que vous croyez que vous-même vous êtes une réincarnation que avant vous avez eu des vies d'autres vies karte hain vishwas karte Oui j'y crois Et est-ce qu'un jour ça s'arrêtera ces réincarnations Est-ce qu'un jour ça s'arrête Aisa hota hai ki hum agar accha karm karenge sadhu vritti rakhenge to humko phir janm lene ka zarurat nahi hai ishwar ke paas chale jayenge Si je fais de bonnes choses si je mène une vie sainte il faudra pas revenir dans ce monde je vais habiter chez le dieu C'est quoi? Il y a un cheval rose et doré qui est là. C'est quoi ce cheval? C'est une marque pour ce magasin. Ah, c'est l'enseigne du magasin. Oui. The seven shot in colored. C'est un feu d'artifice qui éclate cette fois. Ah, qu'est-ce que vous avez? Vous vendez que des feux d'artifice, vous, voilà, comme dans du papier doré de toutes les couleurs. Manufacturer. Ils sont fabriqués. Sorry. Faut pas fumer près des feux d'artifice. Il y a marriage function, mais pataka jara jada chalaya jata hai, aur fir government ki function hote hain, usme jada chalta hai. Mais ce sont surtout pour les mariages et puis pour les fonctions organisées par le gouvernement. C'est-à-dire que pour un mariage, on va faire brûler tout ça. On dépense beaucoup d'argent pour les mariages. On dépense 3 000, 4 000, 5 000 roupies. Est-ce que vous êtes musulman ? Je suis un hindou. J'appartiens à la caste Kayastha. आप सुन रहे होंगे क्या नाम है यमराज यमलोक में यमराज जी के जो मंत्री जैसे कहते हैं nous prions le dieu Chitragupta qui est le ministre dans le royaume de Yama qui est le dieu de la mort. Je comprends pas, pour moi ça veut rien dire ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? मुझे ऐसे कहते हैं भगवान चित्रगुप्त जी के वंशज वो हैं. Les Kayasthas sont les descendants du dieu Chitragupta. Oh. Vous, vous êtes un descendant de ce dieu-là? Oui, je le suis. Mais est-ce que ça, c'est votre enfant derrière, le petit garçon en train de téléphoner? Il est... Oui. Alors lui aussi? Il est descendant lui aussi du dieu? Oui. Quartier d'Old Delhi, conversation avec des marchands de feux d'artifice, très coloriés, très gais. Et voilà, à peine on a engagé la conversation, nous qui sommes très visibles, attention. Ah oui, en Inde, vous êtes un blanc et on est poli avec vous. Mais vous êtes respecté, mais vous n'intimidez absolument personne. On n'a absolument pas besoin de vous. Voilà, très longtemps que l'Inde s'auto-satisfait et dans une certaine mesure aussi affiche une certaine suffisance. Sa suffisance, l'Inde, pourrait-on dire, aurait-on pu dire il y a encore très très peu de temps. Et dans la profondeur, l'Inde se suffit à elle-même. La Mother India n'a besoin de personne, sinon de ses 950 millions d'enfants qu'elle régénère en permanence en ingérant tout ce qui passe et tout ce qui se passe. Dieu est partout en Inde, les dieux sont omniprésents en Inde. Quelques pas plus loin, conversation avec des hommes qui sont là, tout prêts à parler de quoi ? De la religion. Combien de dieux vous avez ? Hanuman Chalisa, Bhagwan Bajrangbali. Nous prions le dieu Hanuman. Hanuman. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Hanuman ki sankat, matlab kisi musibat mein hai na, wo humko musibat mein saath dene ki, musibat mein saath dega. Jaise koi musibat mein hum aa gaya, usme humko matlab hai na, wo safe kare, saaf safe kare. Il nous aide pendant nos temps difficiles. Mais quand ça va mieux, vous priez un autre dieu. Nous aussi, nous le faisons régulièrement. Et puis, nous faisons deux ou trois Bhagwan qui prient. Et puis, Shankar, après Hanuman, après Shankar, qui prient. Om Namo Shivaya. Nous faisons mala. Nous, je prie Hanuman tous les jours. Mais en plus, je prie aussi Shankar, c'est-à-dire le Shiva. Shiva. Mais chacun, et vous aussi, monsieur, quel est le dieu que vous priez? God is one. God is one. आपको बताएंगे. God is one. Il n'y a qu'un seul Dieu. Je prie à tous les dieux. Quel Dieu vous priez-vous? Lord Mahavir. I am Jain. Je suis Jain. Je prie le Mahavira. C'est-à-dire? C'est-à-dire le Dieu des Jains. Ah, vous êtes un Jain. Jain. Oh, quelle est la différence entre les Jains et les hindouistes? Quelle différence n'y a? Il n'y a pas de différence. But lords are separate. Les dieux sont différents. Jain worship the Lord Mahavir. Oui, les Jains prient le Mahavir. And Hindu worship Sri Ram. Oui, les hindous Sri Ram Bhagwan. Rama. Sita. Sita. And goddess. Et des autres déesses. Maya. Oui. Kalka Maya, Vaishno Maya. La déesse Kalka et la déesse Vaishno. D'après vous, il y a combien de divinités en Inde? Many. Plusieurs. Beaucoup. Not counted. You can't count. Impossible de compter les divinités qui dans ce pays. ये करोड़ों में है मिलियन एंड मिलियन मैन मैन इज आल्सो गॉड वो भी भगवान ही आदमी भी भगवान ही है लॉ मे ऑसी अ ड्यू लॉ मे ऑसी अ ड्यू वो ऑसी गॉड इज विद अस एवरीवेयर दैट इज ड्यू एट ऑन इनसाइड इनसाइड इट इज द सुप्रीम पावर वी कैन स्पीक फ्रॉम आउट ऑफ ला पुइसेंस सुप्रीम रेस्ट अवेक लॉ एल ए दन लॉ की इज द ड्यू गॉड इज एवरीवेयर ड्यू ए पार्टू You can go Chandni Chowk. You will see Lord Mahavir's Mandir. Vous êtes maintenant à Delhi. Vous allez à Chandni Chowk. Vous allez voir Mahavir. You will go in Gurdwara. Sikh Gang, which is very important. Un temple des Sikhs. You can see. Vous pouvez voir. Mosque. La mosquée. Church. L'église. Church. Buddhism. Le bouddhisme. Jainism. Le jainisme. Jainisme. But Almighty God. Is one. Mais Dieu est unique. That is controllable by one. Now there are contrôlé now par there are several, now there are several branches, just like tree. There is one tree, but there are several branches. Comme un arbre, il y a beaucoup de branches, mais il y a un seul arbre. For this very purpose, there is one people tree that is worshipped by everyone. Et c'est pourquoi il y a un arbre qui s'appelle le people qui est prié par tout le monde. C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes sur le même arbre. Oui, nous sommes tous dans le même, sur le même arbre. We compare this with our body. C'est comme notre corps. Nous comparons ça avec notre corps. Permission and whatever he is asking to speak, that I can speak before you. Je dis ce que je dis parce que Dieu veut que je dise ce que je dis. Religieux, religion sacrée à Old Delhi. On peut donner peut-être quelques chiffres. En fait, l'Inde est en majorité, en très très grande majorité hindouiste. À 83%, l'Inde est hindoue, est hindouiste, comme on voudra. Les musulmans constituent encore une communauté très importante. Ils sont autour de 110 à 120 millions. Alors, par rapport à 950 millions, évidemment, c'est une minorité, mais les musulmans en Inde sont plus nombreux que si on additionne l'Iran et l'Irak réunis. Il y a les Jains, dont ce monsieur fait partie, et ils sont assez nombreux à Delhi. On essaiera d'aller faire un tour dans leur temple. C'est très intéressant parce que c'est des grands, grands protecteurs des animaux. On verra, il y a les bouddhistes en Inde. Il faut rappeler que le bouddhisme est né en Inde. Et les bouddhistes représentent à peu près 5 millions d'Indiens. Il y a aussi les Sikhs qui sont 13 millions. Les chrétiens qui sont 16 millions. Il y a une petite communauté juive encore en Inde. Et puis, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, ce sont les aborigènes, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les tribus, et qui représentent 7% de la population. Alors 7%, on dit c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même 63 millions d'animistes en Inde. Ça, c'est quelques indications. Évidemment, il doit y avoir encore. De toute façon, si on se dit il y a des choses extraordinaires, impossibles, inouïes et inimaginables en Inde, on a nécessairement raison. Là, c'est la fin du Ramadan. C'est la fin. C'est demain matin, c'est l'Aïd. La nuit est tombée, tombe dans le quartier musulman de Old Delhi. Et devant nous, il y a cette magnifique mosquée, la grande mosquée de Old Delhi, Jama Masjid. La c'est la fin du, c'est la fin du Ramadan à Delhi. Old Delhi, on est en contrebas de la magnifique mosquée avec les guirlandes d'ampoules, grand escalier, pierre rose, mauve et au-dessus la nuit, une étoile. Et un monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous avons vu la lune de l'Aïd. Nous avons vu la lune aujourd'hui, demain c'est l'Aïd. Nous allons remercier Allah après avoir jeûné pendant un mois. C'était l'ordre d'Allah, donc nous avons jeûné pendant un mois et puis nous allons fêter ça après ça. Oui, c'est pour fêter ça, demain c'est l'Aïd. Vous me dites que vous avez vu la lune. Oui, tout le monde a vu la lune aujourd'hui. C'est pourquoi en fait. Nous portons des nouveaux vêtements et puis nous mangeons de bonne nourriture et puis nous partageons notre nourriture avec les autres et puis nous rencontrons les autres gens pendant cette fête. Est-ce qu'il y a aussi un système de caste du côté des musulmans? Musulmanon mein haan matlab hai. Oui, il y en a. Hai. Oui. Lekin ye ke thoda hi hai ke koi sheikh hai koi apne pehchan ke liye biradriyan hai. Il y a de petits groupes pour se reconnaître. Mais on prie le Allah, le même Dieu, donc on est tous égaux. Sabta ek hi kalma hai, ek hi sab kuch hai. Ek hi namaz hai. Sari duniya mein jitna musalman hai sab ek hi namaz ka tareeqa ek hi hai. Aur roza sab tareeqa ek hi hai sabka. Partout dans le monde. Kahin bhi kisi mulk ka ho. La manière de prière Allah est la même, donc nous sommes égaux. Nous sommes les mêmes. Explosion pour, non pas un conflit quelconque, mais pour la fin du Ramadan. Alors on essaye de parler de baragouiné en anglais. La langue qu'on parle ici, c'est le hindi. Il y a 15 langues officielles en Inde. L'anglais constitue une langue véhiculaire. Et il y a entre 3000 et 5000 langues et dialectes qui ne sont pas reconnus. 3000 à 5000 langues en Inde. Et puis, mais on peut très bien s'exprimer quand on n'en parle aucune avec les muets. Notre ami parle par geste complètement. Il explique, là, on est dans la cour. L'immense esplanade à l'intérieur de la mosquée de Delhi. Il est en train de nous faire expliquer, de nous expliquer que là-bas, dans ce grand rectangle de ciel bleu, de nuit bleue, on a vu la lune tout à l'heure, et il nous montre qu'actuellement, là-bas, les gens font la prière. Voilà, sur ces grandes lignes ici, sur ces grandes lignes alignées, les fidèles vont faire la prière en direction de la Mecque. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Voilà, merci à tous, merci à Yogesh Sharma et à Kostouv Sina, reporters Zoé Varié, technique aujourd'hui Brigitte Fay et Gilles Manet, assistante Brigitte Charroy et Laetitia Cherel, 3615 code France Inter, bibliographie et messages, répondeur 42 30 46 35, c'est Laurent Thomas qui a réalisé cette émission modeste et géniale, la suite demain. C'est mon médecin qui a raison. La santé, on a tous besoin de l'économiser. Alors pour rester en bonne santé toute l'année, je pars en cure à Gréoux-les-Bains, une station de la chaîne thermale du soleil pour les rhumatismes et les voies respiratoires. Et Gréoux-les-Bains est sous le ciel le plus pur d'Europe, au soleil allègre de Haute-Provence, pays de Giono. Demandez la brochure gratuite Thermalisme et santé à la chaîne thermale du soleil, 32 avenue de l'Opéra, Paris. vous voyez, Shakespeare, même en anglais, vous avez presque tout compris. Le rock pour les paroles, c'est plus dur, mais vous avez le rythme. Vous rêvez devant toutes ces toiles de Turner, et vous n'avez pas tout vu. Pour être tout à fait British, demandez votre British Pass. C'est gratuit, et comme ça, vous participerez à la grande fête des arts, avec plein d'avantages et de privilèges. C'est facile, tapez 3615 British, 2,19 francs la minute. Demandez-le, votre British Pass. Allez-y, be British. Voilà, donc on se retrouve demain, on continue la balade en Inde. On reste en Inde avec un S, hein, c'est quelques Indes toujours, c'est vraiment des tout petits, quelques pas seulement dans cet immense continent qu'est l'Inde. Et demain on se baladera dans la... où est-ce qu'on va demain ? On va continuer, alors oui c'est la fête de l'Aïd dans les quartiers musulmans. De Delhi. J'ai un petit peu perdu parce que c'est quand même assez compliqué. Et puis, alors oui, ça c'est formidable. On ira se balader dans Nizamuddin, dans le Dargah de Nizamuddin, avec une femme remarquable, remarquable, qui s'appelle Claire De Vos, qui est une Française, qui habite là-bas et qui est une très fine experte de cette ville. Voilà, il est 15h et... 1 minute et 40 secondes sur Inter.